Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on ouvre les festivités avec Is, qui, rappelons-le, va se produire dans le cadre de la 18e édition du Festival Terra Incognita le 17 mai prochain à la Chapelle Spectacle. Il y a encore de bons billets de disponibles. Et c'est un extrait de The Endless Collection Volume 1. C'est un album seulement disponible en téléchargement sur Bandcamp. Et c'est la pièce And We Will Go. Et par la suite, on va voir une nouveauté qui a plus rapport avec le monde du hard rock. Mais j'ai trouvé une pièce progressive sur cet album. C'est le claviériste Don Airey, qui est bien connu pour son rôle de claviériste pour Deep Purple. Il a lancé la semaine dernière un album solo qui a pour titre Pushed to the Edge. Et j'ai retenu la pièce prog de l'album. La pièce a pour titre Finnegan's Awake. Et puis Marc, par la suite, on se dirige du côté de l'Allemagne. Oui, en effet, on parle ici du saxophoniste Marek Arnold, qui est également claviériste et compositeur pour des groupes tels que Toxic Smile, Cyril, Seven Steps to the Green Door et Damanik. Il a fait paraître en 2023 un premier album sous le nom de Marek Arnold's Art Rock Project. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est une pièce qui fait partie de son coffret de Triple EP Collection, paru en 2024, avec la pièce Aiden, une pièce qui comprend la collaboration entre autres de Patrick Langstrom, qui est le chanteur de Ritual, et également Kaipa. Il y a également Anthony Kalugin de Carfagen et autres musiciens assez connus. Pour cette longue suite qu'on trouve en exclusivité sur cet album triple, on aura également pour vous une pièce de Eden Song, cette formation américaine, qui sera également de la 18e édition du Festival Terra Incognita. Ils seront en spectacle sur la scène de la Chapelle le 17 mai prochain. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est une pièce de Years in the Garden of Years, live à Terra Incognita, un album qui avait été enregistré évidemment lors de leur précédent passage et est paru en 2017. Ce qu'on aura pour vous, c'est la pièce Cold City. Également, à partir de 21h30, on a un spécial de 60 minutes avec la formation italienne Submarine Silence. Et ce sera le chanteur Guillermo Gonzalez qui sera avec nous pour nous présenter les pièces, et tout en français d'ailleurs, et faire une rétrospective de leur carrière musicale. Et comme vous disait Michel, on débute d'abord l'émission avec l'excellente formation américaine Is. Pausing, we will go in shorts and shirts, and we will go in suits. hoodies and jackets we will go. Go quickly, go and we will go. Go quickly, go and we will. And that brings tonight's proceedings here at the Ivy Leaf Social Club to a close. Please show your appreciation on the bass, the impeccable Dave Marks. On the drums, our pocket rocket John Finnegan. And the always svelte Simon McBride on guitar. And of course, yours truly on the Hammond organ. Safe journey home, mind how you go. We'll see you all next year. Yeah. Oh, weakness works its evil. gone. Tel que Marc l'a annoncé en début d'émission, on vous présente ce soir un spécial d'une heure avec la formation italienne Submarine Silence et je cède la parole à Guillermo Gonzalez, chanteur du groupe. Bienvenue à tous les auditeurs de Terra Incognita. Je suis Guillermo Gonzalez, chanteur de Submarine Silence en provenance d'Italie. Dans la première partie de l'émission, vous écouterez Mr. Submarine's Ordinary Day Part 1 et Winter Glows. Deux chansons tirées de l'album éponyme de nos débuts, sorti en 2001. L'idée de représenter Mr. Submarine comme un gentleman anglais avec un véritable sous-marin à la place de la tête venait de maître Paul Whitehead. Nous avons écrit et joué ces morceaux comme s'il s'agissait de la bande originale des aventures de Mr. Submarine. À l'origine, le groupe alternait entre instrumentaux dynamiques avec solos de clavier et guitare et pièces plus crépusculaires en duo. Ces morceaux appartiennent clairement à la première catégorie. Concernant Winter Glows, je me souviens qu'à cette époque, David Cremoni ne connaissait pas les Camel ni Andy Latimer. Je l'ai poussé à acheter toute leur discographie parce que David m'a toujours semblé être une sorte d'Andy Latimer italien. Dans ces morceaux, on peut entendre tout son style guitaristique à mi-chemin entre Latimer et Hackett. Bonne écoute.

Il y a plusieurs années, j'ai voulu composer une musique pour une histoire imaginée comme un opéra rock de 45 minutes. Avec l'aide d'Antonio De Sarno, est né There's Something Very Strange in Her Little Room, nos albums de 2013. Malheureusement, la production a été limitée pour nos engagements et une période de transition du groupe. Le processus chaotique et partagé n'a pas permis un contrôle total du résultat final, mais l'écriture reste solide. Child at Play est un instrumental lumineux porté par des guitares deux cordes à la Anthony Phillips avant que l'obscurité ne s'abatte sur Rebecca, l'héroïne de l'histoire. Thrilling Contour fait partie de la nouvelle vague du groupe, entamée en 2016 avec l'arrivée d'un frontman chanteur permanent qui écrit également tous les textes moi-même et avec la sortie de l'album Journey Through Mine. Ma formation et ma influence musicale, contrairement au reste du groupe, ne sont pas purement progressives. Je pense que dans la partie vocale de ce morceau, vous pouvez percevoir une tentative de faire coexister théâtralité, une vibration sombre, mais aussi des mélodies poignantes. Bonne écoute. Thank you. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau, notre spécial sur la formation italienne Submarine Silence se poursuit et pour cette seconde partie, on aborde les albums Did Swans Ever See God, paru en 2020, et surtout Atonement of a Former Sailor Turned Painter, qui est paru en 2025, et donc le plus récent album du groupe. Et je cède la parole à Guillermo Gonzalez, chanteur du groupe. Voici A Deeper Kind of Cumber, un morceau inspiré par mes jeunes années musicales. Le titre rend hommage à A Deeper Kind of Slumber de Tiamat. Et on y trouve aussi une référence subtile à Neurosis. Mais ce ne sont pas des simples clins d'œil. J'ai voulu retranscrire dans ce morceau un peu de leur épicité et de leur solennité, tout en y ajoutant une touche théâtrale propre prog. J'espère que vous apprécierez cette combinaison. Juste après, le mot que tu ne dis pas, le tout premier morceau avec des paroles de notre dernier album Atonement of a Former Sailor Turned Painter. Cet album est une véritable immersion dans le monde multiculturel et maritime des Caraïbes. Le texte, principalement en anglais, mais aussi le français, le créole haïtien, le néerlandais et le portugais, pour capturer cette richesse et cette diversité. Bonne écoute. Le voyage maritime se poursuit avec Limbo of the Ruthless, qui suit directement les mots que tu ne dis pas sur notre dernier album. Ces morceaux explorent un lieu mystérieux et mythique, les récits de la dent de sirène. Un refuge spectral pour les imperdus, à la frontière entre rêve et mort. Inspiré par la légende du marin Adosio, ce morceau est une ode aux errants, aux voyageurs éternels et à ceux qui cherchent un ancrage dans les profondeurs infinies, plongés dans cette atmosphère envoûtante et intemporelle. Juste après, Zena, l'ancien nom de la ville de Gênes, en Italie. Ce sont 3 minutes d'une mélancolie prégnante, née d'une idée mélodique de Sergio Latuada, claviériste de Maxophone, disparu il y a quelques années, que Submarine Silence a complété et publié comme un hommage nécessaire. Sans oublier qu'ici, David Cremoni a joué en solo à couper le souffle. À écouter pour y croire. Where the tempest fury lifts the calm, starting to stand, hurry on bound. Not just sailors who hold, who may roam. Find this water's a special home. Formless monochrome. Beneath the moon's glare, this haunting red beckon. The whisper of the sea, a symphony of tears. Here we dream the waves and wild. reflection of life, back at you, I'm all the time. Thank you. Avant de nous quitter, je voulais remercier tous les auditeurs de Terra Incognita et en profiter pour vous présenter la formation actuelle de Submarine Silence. Nous avons une toute nouvelle section rythmique composée de deux musiciens incroyables, Marco Cocci à la basse et Maurizio Di Tollo à la batterie, deux anciens membres de groupe très appréciés ici au Canada, Maxofon et La Maschera di Cera. À leur côté, il y a toujours le fondateur et maître d'œuvre, Cristiano Roversi, et David Carmoni aux guitares, ainsi qu'Emanuela Milanese, qui m'accompagne au chant depuis maintenant deux albums. Alors, restez à l'écoute de Terra Incognita pour ne rien manquer. Merci encore à tous. Je suis Guillermo Gonzalez, chanteur de Submarine Silence. À très bientôt. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet, on remercie encore une fois Guillermo Gonzalez pour sa participation à ce spécial sur la formation italienne Submarine Silence. Dans le prochain bloc musical, on aura deux formations norvégiennes, dont The Chronicles of Father Robin, qui est un projet composé de membres de, entre autres, Wobbler, Tusmork, Giorgio, et c'est un style musical très proche du prog des années 70, mais qui a été conçu sur une période de 30 ans. Les membres avaient débuté en 1995 à travailler sur un concept qui était la trilogie de Father Robin, et ils ont retravaillé ce matériel-là pour présenter 18 chansons au total, qui sont réparties sur 3 disques. Les deux premiers sont parus en 2023 et le plus récent en 2024. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait du plus récent de Songs and Tales of Iroha, Book 3, avec la pièce Lost in the Palace Gardens. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une autre excellente formation norvégienne. Oui, une formation qu'on apprécie beaucoup tous les deux, c'est Troika, et c'est un extrait du troisième album qui a été lancé en août 2024 qu'on vous propose ce soir. L'album a pour titre Strobemork et la pièce c'est Satan's Disco. For å slumre. Du ser deg i speilet, og en grå djevel stirrer tilbake. Han begynner å humre. Men byen er så tom og kald. Du vandrer uten sjel og ansikt. På hjørnet står en vakker mann med kolgitt smil og blod på tann. Alle sammen danser helt som gallerne på Satans disco. Ingen må betale, men du er helt på egen risiko. På hjørnet står en vakker mann med hestehov og blod på tann. Han bukker dypt og viser vei. Gatelyset svinner hen. Kjære at du slipper taket. dance together. Disco! au début de ce bloc musical, Marc aurait pu vous dire qu'on, dans le fond, on vous présentait un spécial Norvège, puisque on va clore l'émission ce soir avec une autre formation norvégienne qui a pour nom Professor Tip Top, un groupe que j'aurais vraiment aimé voir sur scène dans le cadre du festival Terra Incognita, mais malheureusement, le décès du leader Sam Fassbach a évidemment mis fin à ce rêve. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Et évidemment, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour un autre 2 heures de Terra Incognita. Restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL.